الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication de ce guide du bon comportement écrit par le savant Hanbali Ali ibn Aqil rahimahullah ta'ala et intitulé فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. Chapitre sur les politesses et les nobles comportements légiférés. Dans le chapitre que nous allons lire aujourd'hui, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a exposé certaines mesures préventives légiférées en termes d'hygiène et de sécurité. Il a dit, rahimahullah, فصل ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et celui qui veut dormir, il ferme sa porte, il noue son outre, il couvre son récipient et il éteint sa lampe. C'est ainsi que cela est rapporté dans les sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il vise par les sunan ici les hadiths authentiques que l'on va lire, inshallah ta'ala. Donc celui qui souhaite dormir, il est légiféré pour lui d'accomplir quatre choses qui relèvent de l'hygiène et de la sécurité et qui font partie des comportements et des conduites légiférées dans notre religion. Ces quatre choses mentionnées par l'auteur ont été rapportés par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Jabir radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Couvrez le récipient, nouez l'outre, fermez la porte et éteignez la lampe. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné ces quatre nobles comportements, qui sont des mesures préventives comme on va le voir, inshallah ta'ala. Et l'ordre ici, comme l'ont mentionné les gens de science, est donné à titre d'orientation et d'indication, et indique la recommandation pour le musulman d'accomplir ces quatre choses. La première est de fermer la porte, lorsque la personne s'apprête à dormir et plus particulièrement la nuit. Et on fermera la porte en mentionnant le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La preuve à ce sujet est ce qui est venu dans le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, dans une autre narration, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque vient la nuit, c'est-à-dire lorsque vient l'obscurité de la nuit après le coucher du soleil, ou que vient le soir, retenez vos enfants. » Retenez vos enfants, c'est-à-dire empêchez-les de sortir à ce moment-là, c'est-à-dire durant la première heure de la nuit. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَ إِذٍ. Et ce, car les démons se répandent à ce moment. Les gens de science ont dit qu'étant donné que les démons se répandent à ce moment durant la première heure de la nuit, il est à craindre pour les enfants que les démons ne leur nuisent en raison de leur grand nombre. Et Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala a mentionné dans le commentaire de ce hadith une parole d'Ibn al-Jawzi qui dit que l'on a peur pour les enfants à ce moment, car les adhkar, les formules de rappel, qui sont une cause de protection contre les démons, ne sont généralement pas prononcées par les enfants. Et les démons, lorsqu'ils se répandent, ils s'attachent à tout ce à quoi ils peuvent s'attacher. C'est pour cela que l'on a peur pour les enfants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous ordonne de retenir les enfants et de ne pas les laisser dehors à cette heure-ci, et ce, afin de les préserver. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, puis une fois qu'un moment de la nuit est passé, laissez-les. C'est-à-dire qu'une fois que la nuit est tombée, une fois ce moment particulier où les démons se répandent terminé, alors vous pouvez les laisser sortir à nouveau. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, et fermez les portes et mentionnez le nom d'Allah, car le diable n'ouvre pas une porte fermée. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ici de fermer les portes, c'est-à-dire les portes des maisons, et entre dans cela également les fenêtres, et de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en les fermant. Et il y a en cela de nombreux intérêts religieux et mondains. Parmi les intérêts qu'il y a en cela, de fermer les portes et les fenêtres durant la nuit, et plus particulièrement lorsque la personne dort, il y a la préservation des personnes et des biens, des gens mauvais, qui pourraient s'introduire dans le domicile de la personne. Et il y a plus particulièrement la protection et la préservation contre les démons. Cela les éloigne de la maison et les empêche de se joindre aux habitants de cette maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a particulièrement mentionné la possibilité que le diable entre dans la maison, car ceci est une chose que l'on ne peut connaître et savoir qu'au moyen de la prophétie. Quant au fait de se préserver de l'entrée d'un voleur ou d'un criminel ou autre, c'est une chose dont la personne a connaissance et qui est connue. Alors que l'entrée du diable relève d'El Ghaib, que l'on ne peut savoir que par le biais de la révélation et de la prophétie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention sur cela. Il a ordonné de fermer les portes la nuit par peur que les démons ne se répandent, c'est-à-dire dans les maisons, et qu'ils prennent le dessus sur ses habitants et effrayent les croyants et leur nuisent. Donc toute porte qui n'a pas besoin d'être ouverte durant la nuit, il convient de la fermer. Et entre également dans cela les fenêtres comme on l'a mentionné. Et lorsque tu les fermes, tu mentionnes le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Bismillah ». Et ceci empêchera les démons de les ouvrir. Car ils ne peuvent ouvrir une porte ou une fenêtre qui a été fermée en mentionnant le nom d'Allah. Et une personne pourrait se dire « Qu'en est-il d'ouvrir les fenêtres, particulièrement au cas de besoin, notamment durant la période estivale et les grandes chaleurs ?» La réponse est que s'il y a un besoin à ouvrir les fenêtres ou autres, alors il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Mais si une fenêtre n'a pas besoin d'être ouverte, alors il convient de la fermer. Wallahu ta'ala a'lam. La deuxième chose qui a été ordonnée est de nouer son outre. L'outre qui est un récipient fait à partir de la peau d'un animal et servant à conserver les liquides comme l'eau, le lait ou le laban. Donc cela a été noué afin que rien ne puisse s'y introduire parmi les insectes ou autre chose semblable qui pourrait nuire à la personne qui boirait ensuite dans ce récipient ou le rendre malade. Et le récipient est noué également en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose qu'il a ordonnée est de couvrir le récipient, toujours en mentionnant le nom d'Allah. Que ce récipient contienne de la nourriture ou de la boisson, et même si ce dernier est vide, qu'il ne contient rien du tout, il convient de le couvrir, comme cela a été ordonné. La preuve à ce sujet est ce qui est venu dans le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Couvrez les récipients et nouez les outres, car il y a certes dans l'année une nuit durant laquelle descend une épidémie, et elle ne passe pas par un récipient qui n'est pas recouvert ou une outre qui n'est pas nouée sans que cette épidémie ne l'atteigne. » Donc vous voyez que ceci est aussi une mesure préventive et une mesure d'hygiène importante que nous a indiqué notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne convient pas de négliger cela en laissant la nourriture ou la boisson découverte durant la nuit. Et il en est de même concernant les récipients qui sont vides. Et les gens de science ont mentionné que si ces derniers sont placés dans des placards fermés, alors ceci est suffisant, incha'Allah ta'ala. Il en est de même concernant la nourriture qui se trouve au réfrigérateur. Ceci est suffisant, incha'Allah ta'ala. Mais si la personne, par prudence, soit tout de même couvrir la nourriture et couvrir la boisson, même si elle se trouve dans un placard ou un réfrigérateur, alors ceci est meilleur et plus prudent, inshallah ta'ala. Et si la personne ne trouve rien pour recouvrir son récipient, alors il sera légiféré de placer sur lui un bâton en travers ou autre chose semblable. Comme cela est venu dans un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et si l'un d'entre vous ne trouve qu'un bâton à placer sur son récipient et qu'il mentionne le nom d'Allah alors qu'il le fasse. » C'est-à-dire que mettre un bâton, un morceau de bois ou un ustensile au-dessus du récipient en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant pour empêcher les démons de s'en approcher. Et si le récipient est vide, alors il suffira de le retourner. Donc vous voyez à travers ces nobles comportements qu'il y a une grande leçon nous indiquant qu'il convient aux musulmans de faire preuve de prudence et de s'écarter de tout ce qui pourrait mener à la corruption et la péremption des nourritures et des boissons. Car consommer une nourriture ou une boisson qui n'est pas saine, ceci peut nuire à la personne. C'est pour cela que par mesure préventive, il nous a été ordonné de couvrir les récipients afin de préserver la nourriture et la boisson. Et nombreux sont ceux à se demander si j'ai oublié de couvrir le récipient et que la nourriture a passé la nuit sans être couverte. Que dois-je faire de cette nourriture et puis-je la manger? La réponse est qu'il n'y a pas d'interdiction à manger cette nourriture à partir du moment où tu t'es assuré que celle-ci est encore bonne à consommer, que rien n'est tombé dedans, qu'elle n'est pas périmée et qu'elle n'a pas été touchée par une chose nuisible. Il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala, car le fait de couvrir le récipient est simplement une mesure préventive et ne pas le faire ne rend pas la nourriture illicite à la consommation. Et il est à souligner qu'il est strictement interdit de jeter cette nourriture. Certaines personnes pourraient par négligence la jeter à la poubelle, et ceci n'est pas permis, car ceci est un manque de considération à l'égard de ce bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, et c'est une forme de gaspillage. Toutefois, il se peut que certaines personnes répugnent de manger cette nourriture, et qu'elles ne la trouvent plus appétissante. Alors dans ce cas-là, si elle sait que personne parmi les hommes ne va la manger, il n'y a pas de gêne à la donner aux animaux ou à la poser dans un endroit retiré pour qu'elle soit consommée par les oiseaux ou autres. Mais en aucun cas, il ne faut la jeter. Ensuite, la quatrième chose qu'il a mentionnée ici et qui est venue dans le hadith est d'éteindre les lampes. Et ce qui est visé par les lampes ici, c'est les anciennes lampes qui étaient à huile. Et il était à craindre, si la personne les laissait allumer durant la nuit, que celle-ci se renverse, que l'huile se répande et que la maison prenne feu, wal'iyadu billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'éteindre les lampes, tout en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Et de manière générale, il a dit dans un autre hadith de ne pas laisser le feu dans les maisons lorsque nous dormons. De ne pas laisser le feu allumé dans les maisons lorsque nous dormons. Et entre dans cela les cheminées ou autres. Et la raison de cet ordre, mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la crainte, comme on a dit, de l'incendie. Et plus particulièrement concernant les anciennes lampes, qui pouvaient tomber au sol suite au passage d'un nuisible comme une souris ou autre. Et c'est ce que l'on trouve dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet « Car certes les nuisibles enflamment aux gens leur maison. » Ils mettent le feu à leur maison comment? En passant sur la lampe et en la faisant tomber, alors que la personne dort et ne peut s'en rendre compte. C'est donc une des sagesses de l'interdiction de cela. Et entre dans cela, comme on a dit, toutes sortes de feux, à l'exemple des cheminées ou autres. Et c'est ce que démontre le hadith rapporté par Abu Moussa, radiyallahu anhu, qui rapporte que une maison a pris feu à Médine durant la nuit. Et lorsque ceci a été rapporté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Certes, ce feu est pour vous un ennemi. Alors, lorsque vous dormez, éteignez-le. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. Et les gens de science ont mentionné qu'entre dans cela tout ce qui peut être la cause d'un incendie. Même les radiateurs électriques, dont certaines sortes, peuvent être dangereuses, comme les résistances ou autres. Il suffit que la personne bouge durant son sommeil et que ce radiateur soit trop proche d'elle, que la couverture tombe sur ce radiateur et que la maison prenne feu, wal'iyadu billah. Donc ceci également est une chose à ne pas négliger. Et la personne doit prendre toutes les mesures préventives nécessaires à ce sujet. Également, il en est de même concernant les appareils au gaz qui peuvent être nuisibles s'ils ne sont pas installés correctement. Et combien de personnes s'intoxiquent suite à la mauvaise utilisation de chauffage au gaz ou autre. Donc notre religion a légiféré ces mesures préventives afin que la personne soit à l'abri de toute nuisance. Et s'il n'y a aucune crainte concernant les appareils installés, que ce sont des appareils sécurisés, à l'exemple des ampoules que l'on utilise aujourd'hui, qui, généralement, ne sont pas dangereuses, alors il n'y a pas de gêne à les laisser allumées durant la nuit. Toutefois, la personne veillera à ne pas laisser allumer des lumières qui sont inutiles, car ceci pourrait entrer dans une forme de gaspillage, et ceci n'est pas convenable. Et on attire ici plus particulièrement l'attention des personnes qui laissent la lumière allumée toute la nuit pour dormir, par peur de l'obscurité. Et ceci est une chose blâmable, car la peur de l'obscurité, la peur du noir, est une chose infondée, car c'est une peur d'une chose inexistante et qui n'est pas nuisible. Et cela s'oppose à la perfection du tawakkul, la perfection de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ressent ce genre de peurs qui sont infondées, il doit y remédier. Il doit raffermir son cœur et le renforcer par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remettre à son Seigneur subhanahu wa ta'ala en accomplissant les causes pour être préservé des choses qu'il craint. Et plus particulièrement en accomplissant ses adhkars, les adhkars du matin et du soir et les adhkars du sommeil. Et ne pas rester ainsi sur cette forme de faiblesse, à avoir peur d'une chose qui est irréelle et qui est infondée. Mais le croyant se doit d'être fort et ne pas faire preuve de lâcheté ou de peur infondée. Il fait les causes pour être préservé et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces quatre comportements et ces quatre conduites et mesures préventives sont des choses qui ont été légiférées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous démontrent la perfection de la législation islamique qui a donné de l'importance aux intérêts des créatures et qui englobe l'ensemble des aspects de la vie de la personne, même des choses qui pourraient paraître insignifiantes aux yeux des gens, alors qu'en réalité ce sont des choses importantes. Ce sont des choses qui préservent ta santé, qui préservent la vie même en ce qui concerne le feu et ce que l'on a mentionné. Donc le musulman se doit de s'attacher à la mise en pratique de tout ce qui est venu dans notre religion, que ce soit dans le Coran ou la Sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a en cela pour toi une forme de préservation et de protection dans ta religion et dans tes affaires mondaines contre les démons parmi les djinns et parmi les hommes. Donc ceci n'est pas une chose à négliger. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, est passé à une autre question qu'il aurait convenu de mentionner avec les politesses liées au repas. Il a dit, rahimahullah, وكره أحمد غسل اليد للطعام وقد ورد في الخبر غسل اليد له ولعله ما صح عند أحمد رحمه الله تعالى. Il dit et Ahmed a réprouvé le fait de se laver les mains avant de manger. Et il est venu dans un hadith la légitimité de se laver les mains avant cela. Mais peut-être, l'auteur nous dit rahimahullah, mais peut-être qu'il n'était pas authentique pour Ahmad rahimahullah ta'ala. Le hadith en question est rapporté par Salman radiyallahu anhu qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve dans la Torah qu'il fait partie de la bénédiction de la nourriture, de se laver les mains avant de manger. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, la bénédiction de la nourriture est de se laver les mains avant et se laver les mains après. Et ce hadith est rapporté par Ahmad, Abu Dawud et Tirmidhi, et il a été jugé faible par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc les savants ont divergé concernant le jugement et la recommandation du lavage des mains avant de manger. Ceux qui ont pris ce hadith pour argument ont dit qu'il était recommandé de se laver les mains avant de manger. Et ceux qui l'ont considéré faible n'ont pas dit que cela est recommandé, si ce n'est par mesure d'hygiène et non pas à titre de culte. Et ça, c'est important à souligner. On fait bien la différence dans ce que l'on mentionne ici entre ce qui est fait à titre ordinaire et ce qui est fait à titre d'adoration. Donc ici, la question est de savoir, est-ce que cela est fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'avant de manger, je vais me laver les mains à titre d'adoration pour me rapprocher de mon Seigneur? Et la réponse, selon l'avis le plus juste, est que cela ne fait pas partie de la sunnah. Est-ce que cela signifie que je n'ai pas le droit de me laver les mains? Non, ce n'est pas cela qui est voulu. Il est permis de se laver les mains avant de manger, d'autant plus si elles sont sales. Mais on le fera par mesure d'hygiène et non pas à titre d'adoration. Donc il faut bien faire la distinction entre ceci et cela. On dira qu'il est permis de se laver les mains, d'autant plus si elles sont sales, mais on ne dira pas que ceci est une sunnah. Toutefois, les gens de science ont dit qu'il est recommandé de se laver les mains après manger, surtout s'il y a de la graisse sur les mains, liée à la nourriture. Et ils ont pris pour argument un hadith authentique rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a bu du laban, puis après cela, il s'est rincé la bouche. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le laban contient de la matière grasse. C'est pour cela qu'il s'est rincé la bouche après l'avoir bu. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, a dit dans l'explication de ce hadith, on déduit de cela la recommandation du lavage des mains à titre de propreté, à titre de purification et par mesure d'hygiène, en déduction de ce qui est mentionné dans ce hadith sur le rinçage de la bouche. Toutefois, il est à souligner qu'il est recommandé pour le musulman, après avoir mangé, de ne pas laver ses mains, ni de les essuyer avec un mouchoir ou autre, avant d'avoir léché ses doigts. Et ce, car il est venu dans le hadith authentique rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il n'essuie pas sa main avant de l'avoir léché ou de l'avoir fait lécher. Avant de l'avoir léché, c'est-à-dire qu'il a lui-même léché ses doigts, ou alors qu'il l'a fait lécher à son épouse, à son enfant ou autre. Et il n'y a rien de répugnant en cela. Ceci fait partie de la sunna du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une manière de préserver la bénédiction qui se trouve dans la nourriture. Comme cela est venu dans un autre hadith rapporté par Jabir radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se lécher les doigts et d'essuyer le plat, de ne rien laisser dans le plat. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous ne savez pas où se trouve la baraka, c'est-à-dire dans quelle part de la nourriture se trouve la bénédiction. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Il se peut que la bénédiction qu'il y avait dans cette nourriture se trouve dans le fond du plat, ou dans ce qui reste sur ton doigt comme nourriture. Donc il ne faut pas se priver de cela. Et les gens de science ont expliqué cette bénédiction de différentes manières, et ils ont dit qu'entre dans cela le fait que ce plat soit nourrissant pour la personne. En effet, combien de fois une personne peut manger et ne pas être rassasiée, avoir l'impression de ne pas avoir mangé. Et il se peut que ceci provienne de l'absence de bénédiction dans cette nourriture. Alors que celui qui profite de la bénédiction de sa nourriture, il va manger et ce repas va le nourrir. Il va combler sa faim. Également, il fait partie de la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans cette nourriture, que la personne soit préservée de toute nuisance qui pourrait découler de ce repas. On sait que certaines nourritures peuvent parfois être nuisibles pour la personne. Mais si cette nourriture est bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'y trouve de la bénédiction, alors la personne sera préservée de cette nuisance. Également, il fait partie de cette bénédiction que la personne se renforce par cette nourriture pour l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans le suivi de cette sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une leçon pour la personne, une leçon de modestie, une leçon d'humilité et une mise en garde contre la vanité et l'orgueil qui pourraient empêcher la personne de suivre cette sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Également, il y a en cela la préservation des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de ne rien négliger parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme bienfait, même si cela peut paraître insignifiant aux yeux des gens. Le fond de l'assiette ou les quelques miettes de nourriture qu'il reste sur les doigts de la personne ou au fond d'un plat. Nombre de personnes pensent cela insignifiant et n'hésitent pas à le jeter. Alors que ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a accordée. Il convient donc de ne pas négliger ce bienfait, de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait et, dans la mesure du possible, de consommer ce bienfait afin de ne pas être privé de la bénédiction de ce repas. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيُسْتَحَبُّ » Donc on trouve ici « tahwil » et nombre de commentateurs ont dit que ce qui paraît être le plus juste est le mot « ta'jil ». « وَيُسْتَحَبُّ ta'jilu غَسْلِ الْيَدْ مِنَ الزُّهَامِ » Et il est recommandé de s'empresser de se laver les mains en cas d'odeur persistante de la nourriture sur celle-ci. Donc il y a certaines nourritures qui vont laisser sur la main de la personne une odeur fétide. Dans ce cas-là, il convient de s'empresser de se laver les mains après avoir mangé et bien sûr après avoir léché ses doigts comme on l'a mentionné. Et ce afin de dissiper cette odeur et toute graisse qui pourrait rester sur les mains de la personne. Et comme on a dit, il n'y a pas de gêne à ce que la personne s'essuie les mains avec un mouchoir ou autre après avoir mangé, à condition de ne faire cela qu'après avoir léché ses doigts, comme cela est venu dans la sunna. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَعِنْدَ النَّوْمِ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا Et avant de dormir, cela est encore plus recommandé. فَقَدْ وَرَدَ التَّحْذِيرُ مِنْهُ لِأَجْلِ الْهَوَامِ Car il est certes venu la mise en garde contre cela en raison des nuisibles. C'est-à-dire qu'il est venu la mise en garde contre le fait de dormir sans se laver les mains. Comme cela est rapporté d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui dort, alors qu'il y a sur sa main de la graisse ou un reste de nourriture, et qu'il ne la lave pas, et qu'il est atteint par une chose, alors qu'il ne blâme que sa propre personne. » En effet, il se peut qu'un nuisible sente l'odeur de cette nourriture et se mette à ronger la main de la personne en pensant que c'est de la nourriture. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela et nous a recommandé de bien veiller à se laver les mains avant de dormir afin de faire disparaître toute odeur restante de la nourriture. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالِاعْتِكَافِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِأَكْلِ الْخَبَائِثِ مِنَ الْبُقُولِ كَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْكُرَّاثِ فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُرْبَانِ الْمَسْجِدِ مَعَهُ Il est détestable pour celui qui souhaite se rendre dans les mosquées pour prier ou pour faire l'i'tikaf, ou de manière générale, celui qui souhaite se rendre à une prière en commun, même si ce n'est pas dans une mosquée, même si c'est dans un moussalla ou autre, et même s'il se rend à la mosquée alors qu'il n'y a personne. Il est détestable pour lui de consommer certains légumes qui dégagent une mauvaise odeur comme l'oignon, l'ail et le poireau. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes interdit d'approcher la mosquée dans cette situation. Donc ces légumes, Il est détestable pour celui qui souhaite se rendre à la prière de les consommer crus. Car lorsqu'ils sont crus, ils vont laisser une mauvaise haleine à la personne qui va être nuisible pour les prieurs et nuisible également pour les anges. En effet, l'imam muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Jabir radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui mange de l'oignon, de l'ail ou du poireau alors qu'il n'approche pas notre mosquée, car certes les anges sont gênés par ce quoi sont gênés les enfants d'Adam. Certes les anges sont gênés par ce quoi sont gênés les enfants d'Adam. Ils sont gênés par ces mauvaises odeurs. Et ils sont présents dans les mosquées, notamment au moment de la prière. Donc celui qui a consommé un de ces aliments, ou qui a consommé une chose lui donnant une mauvaise haleine, que ce soit un de ces aliments ou autre, il ne lui convient pas de se rendre à la mosquée dans cette situation tant que cette odeur est encore présente. Il lui convient de faire les causes pour faire disparaître cette mauvaise haleine, comme en consommant du miel ou autre parmi les aliments qui dissipent cela. Et afin de ne pas se retrouver dans cette situation, la personne veillera à ne pas consommer ces aliments, notamment à l'approche de la prière. Et les gens sont différents à ce sujet. Certains sont grandement atteints par une mauvaise haleine durant un long moment, et d'autres ne seront que très peu touchés. Donc ce qui est pris en compte, c'est la présence de cette mauvaise haleine ou non. Si celle-ci est présente, alors la personne ne se rendra pas à la prière. Et si celle-ci est absente, il n'y a aucune gêne à ce qu'elle se rende à la prière. Et les gens de science ont mentionné qu'entre dans cela toute odeur nuisible qui pourrait gêner ou porter préjudice aux prieurs et par la même occasion aux anges. Et nombre de savants ont mentionné qu'entre dans cela l'odeur de la cigarette et du tabac, qui est une odeur nuisible, qui transforme l'haleine de la personne au point d'être désagréable pour tous ceux qui se trouvent à proximité de lui. Et ceci est un parmi les nombreux méfaits de cette chose nuisible et interdite dans notre noble religion. Et les gens de science ont également dit que celui qui dégage une odeur nuisible, il convient de le faire sortir de la mosquée. Comme cela est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui a dit: « Oh vous les gens, vous mangez de deux légumes que je ne vois que mauvais, l'oignon et l'ail. Et j'ai certes vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ressentait leur odeur se dégager d'un homme dans la mosquée, il ordonnait qu'on le fasse sortir vers le baqir. » Il ordonnait qu'on le fasse sortir de la mosquée, car ceci est nuisible pour les gens qui se trouvent à ses côtés, et cela est également nuisible pour les anges, comme on l'a vu dans le hadith précédent. Enfin, parmi les questions liées à ce sujet, il y a que nos savants ont mentionné que si telle est la situation concernant une odeur nuisible qui va déranger les prieurs et les fidèles qui se trouvent dans cette mosquée, alors que dire des innovations qui peuvent être pratiquées ou se trouver dans une mosquée et nuire ainsi à la religiosité des fidèles de cette mosquée? Il n'y a pas de doute que les mosquées doivent d'autant plus être purifiées de tout ce qui peut nuire à la religiosité et à la droiture des fidèles qui fréquentent cette mosquée. Et entre dans cela la pratique des choses nouvelles en religion parmi les innovations qui ont été instaurées et qui ne font pas partie de l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam. On a donc terminé avec ce passage et on verra dans le cours prochain les politesses liées à la walima de mariage et également la visite du malade et les condoléances. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.